Qu'est-ce que t'as entendu venant de Montréal avant-hier? Quoi? Ben, c'est-à-dire qu'ici, je veux dire, la question dont on parle régulièrement, l'emploi et l'économie, c'est du poubellage, c'est oui. de la radio-poubelle. Oui, à la FLAC, il y a à la FLAC. On fait une caricature. C'est rendu une joke. C'est une joke. Parle d'emploi et d'économie, c'est relié à la radio-poubelle de Québec. Ça fait assez longtemps qu'on cherche la définition de la radio-poubelle. Merci à Gérard Laflaque de nous avoir répondu. C'est quoi la radio-poubelle? Ça a-tu rapport avec les plaintes? On n'a plus de plaintes. Les procès, il y en a eu dans le passé, là, mais il n'y en a plus, là. Radio-Canada en a plus que nous autres. C'est-tu eux autres, la radio-poubelle? Mais alors, à la FLAC, finalement, ils ont répondu. Ça peut vous rassurer, Seigneur, l'Irak, ça intéresse pas le monde pantoute, hein? Quand je vais au centre d'achat, moi, le monde ordinaire me parle pas de l'Irak, hein? Il me parle d'économie puis d'emploi. Fait que moi, je dis... Bon, ça va faire la radio-poubelle de Québec? C'est une joke. C'est rendu poubelle de parler d'économie et d'emploi. Ben, garde, on l'assume à 100%. Totalement. Nous sommes Radio Poubelle et au retour de la pause, on jase vidange. Le pire, c'est que c'est vrai. On va vraiment jaser de poubelle puis de vidange. Hey, viens,